qui Claro que sí, estamos en su casa, la verdad. La verdad es que estamos en su casa. We are in his house. And I've got a lot of roads to them. Getting drunk before driving is a shame. Hola, sauriez-vous dire l'heure qu'il est à mon horloge? Mon horloge, we'll be right back. We friends and enemies. We ride all over. Between dark continents, I try, I fail. Between time and space, fail again. Fail better. In my process, in your process, I love it. Abandonner le vent, le mistral gagnant. Nous inspire. Nous permet de mélanger des mots, des sons. Café pété, AZF, peut-être même. Café pété, AZF, même. Café pété, AZF, peut-être même. L'humidité nécessaire dans l'atmosphère est dangereuse. Est dangereuse. L'humidité nécessaire dans l'atmosphère. Cœur, Cobain. son aquarium. Lorelai, Lorelai, Lorelai, take care of the world. Time for the soul brothers to take care of the church. Avec un SM58 quand même dans les dents. Able to low. Able to low. Again. Able to low again. Because she's my lover. Because he's my lover. Again. But my love got no destiny to read. Because she's my lover. My lover. Yeah. Yeah. Yeah. She's my love, she's my love, she's my love. Yeah. My love, my love.